Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle preview. Et comme habituellement pour ces previews de la Conférence Ouest, je suis avec Vincent. Salut Vincent, comment ça va ? Salut Gus, salut tout le monde. Écoute, ça va plutôt bien, on va parler des rois aujourd'hui. Et oui, les Kings qui, malgré tout, ont été la surprise de la saison passée. En termes de All-Star, en termes de position dans la Conférence Ouest, et également Sacramento qui retrouve les playoffs après une disette de plus de 20 ans. Ouais, c'est 20 ans. Il me semble que c'était 2002-2003, ouais. Donc ouais, c'est crois. Ça. Très belle saison de Sacramento. On a Mike Brown qui finit donc coach de l'année. Et du coup, Sacramento qui termine troisième de la conférence Ouest avec 48 victoires pour 34 défaites. La première attaque de la NBA. Quand tu joues aussi bien, aussi collectivement et avec des joueurs qui ont envie de jouer au basket et un coach qui mène ça à la baguette. C'est la surprise de la saison passée. Comment toi t'as vécu un peu cette saison des Kings, Vincent ? Franchement, c'était la grosse surprise, mais ils ont fait vraiment kiffer l'année dernière. Il y a des joueurs qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qu'on vraiment glow-up. Tu peux les nommer, hein, si tu veux. Par exemple, De'Aaron Fox. On sait que De'Aaron Fox, il a fait une saison XXL, que Domantas Sabonis, il a tenu son rang. Deux All-Stars côté Sacramento Kings. Exactement. Après, on a toujours les ajouts d'Harrison Barnes, des mecs qui font le taf. Malik Monk. C'est des joueurs qui ont fait le taf avec un coach qui a vraiment bien géré l'histoire. On a eu un De'Aaron Fox clutch au possible sur pas mal de matchs. D'ailleurs, il a été élu joueur le plus clutch de la NBA la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises. Totalement mérité. Sur le premier trophée qui a été installé. Donc totalement mérité. Et vraiment une grosse saison des Kings. Ils ont retrouvé les playoffs depuis 20 ans, comme tu as dit. Et puis après, malheureusement, le souci des Kings, c'est qu'ils sont tombés sur qui en playoffs ? Ils sont tombés sur les Warriors. Tu fais une saison de ouf, t'es troisième de conf, et tu joues les Warriors au premier tour. En vrai, c'est dur pour eux, parce qu'en plus de ça, ils ont bataillé, parce qu'ils ont quand même été chercher un Game 7. Ouais. Ils menaient 3-1, surtout. Ils menaient 3-1, ouais. Et puis, ils sont tombés sur un Game 7, Stephen Curry. Il en a mis 50. C'est simple pour Sacramento. Retour en playoff après 20 ans. Tu joues un Game 7 et il y a Curry qui bat le record de points dans un Game 7. Ce jour-là. Voilà. Donc, très compliqué de s'imposer. Et malgré tout, ils font pas un mauvais Game 7. Hein. C'est pas une branlée. Non. Si Curry n'a pas ses 50 points, ils peuvent passer. Hein. C'est Curry trop fort. Curry trop fort pour les Kings. Juste ça. Mais bon, après, on a quand même affaire à un des meilleurs, voire le meilleur meneur de l'histoire. Donc, forcément. Il n'y a pas trop à rougir, quoi. Ouais, puis quand il est comme ça et qu'il shoot comme dans l'océan, c'est très compliqué. Tu peux rien faire. T'as plus qu'à regarder à applaudir. C'est ça, exactement. Et du coup, je te lance sur ce qui s'est passé cet été, parce qu'on en vient à la preview. Il faut quand même parler de ce qui s'est passé. Écoute, il s'est pas passé grand-chose du côté des Kings. Pour le coup, ils ont pas eu de pic de draft haut. Forcément. Donc forcément, quand tu finis troisième, t'as pas de pic de draft bien haut. Donc ils ont eu même pas de pic au premier tour. Donc ils ont récupéré deux joueurs de la draft. On va voir ce que ça va donner, mais je suis pas sûr que ça soit sur eux qui compte. Récupéré à la Free Agency, ils ont récupéré Javal McGee. Ouais. Il peut être un ajout en sortie de banc, on sait ce qu'il peut apporter. Sur quelques minutes, ça peut être sympa. Exactement. Et Chris Duarte. Ça, c'est bien. Les Pacers, et ça, c'est une bonne pioche, parce que c'est quand même un bon petit joueur de basket qui peut s'intégrer dans cet effectif-là sans aucun souci, je pense. Je voulais en parler un peu, Chris Duarte qui sur sa saison rookie jouait quasiment 29 minutes par match, ça a beaucoup baissé la saison dernière, donc côté Pacers ils ont fait un choix de le trader maintenant. Après on a vu ce qu'il était capable de défendre, il a un vrai shoot, Donc non, c'est un joueur qui est capable de créer. Donc en sortie de banc, ça va être très bien d'avoir ça sur le poste de combo guard, voire poste 3, même s'il est un peu petit. Mais, mais ça va être, il est assez polyvalent, donc pour le coup, ça rentre bien dans le dans la philosophie de, des Kings. Oui, tout à donc, fait. Donc là-dessus, assez chouette. Ouais, et en sortie de banc derrière De'Aaron Fox, ça peut être pas mal. Même si on sait que Malik Monk sort déjà du banc, ça peut être pas mal. Ouais, mais après, est-ce que tu donnes la balle à Chris Duarte ou ouais, à Malik ouais, Monk? tout à fait. En soi, Ouais. les deux sont interchangeables, tu vois. Donc, Tout à fait. pour le coup, ça donne pas mal d'options. Donc, c'est pas mal. Ils ont perdu qui un peu comme joueur cet été? Bah, ils ont perdu PJ Dozier qui a été coupé. Ouais. Ouais, qui a pas Et joué ils la ont... saison dernière. Ouais, tout à fait. Et après, ils ont perdu Chinedu Metu, mais qui jouait pas beaucoup, qui est parti aux Suns. Aux Suns, et exactement. Eric Holmes qui est parti aux Mavs. Ouais, Et, okay. Et Terence Davis et Della Vedova qui sont free agents et qui, pour l'instant, sont dans l'effectif, mais qui risquent de De certainement sortir. Ouais, tout Ok, à fait. ok. Très Et bien. aussi, ils ont récupéré du coup le MVP de l'Euroleague de l'année dernière. Et oui, il fallait le noter quand même. Sacha Vezenkov. Ouais. Qui. Bon, je. À voir. Point d'interrogation sur Sacha Vezenkov. Parce qu'en Euroleague, il a fait une grosse saison l'année dernière. Ouais. Mais on sait que l'Euroleague, c'est pas la NBA, qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir du mal d'adaptation. J'attends de voir, parce que c'est pas un joueur très athlétique, c'est un joueur qui a un gros QI basket, qui a des qualités de shoot, voilà, qui a des qualités de passe, mais c'est pas un athlète. Et du Et coup, je sais peut-être que pas. le jeu rapide de NBA peut lui faire un peu tort. C'est ça, je Je vois sais ce que pas tu veux dire. comment. Je souhaite qu'il s'en sorte, hein, mais je Ah bah sais pas évidemment. s'il s'en sortira dans le sens où, voilà, la NBA c'est quand même une ligue athlétique. Ça court, ça saute, ça défend dur. C'est pas ses qualités principales, mais par contre, il a d'autres forces. Peut-être que dans le jeu des Kings, ça peut peut-être rendre des services. Donc, on verra ce que ça donne, mais il faut quand même en parler parce qu'il est quand même MVP de l'Euroleague, c'est pas rien non plus. Ah bah c'est pas rien exactement. Donc, Après, tu vois, c'est quand même un ajout. Est-ce... Là où les Kings ont peut-être eu un défaut l'année dernière, c'est peut-être de parfois trop courir pour pas grand-chose. On a pas mal de possessions côté Kings dans leur jeu, où bah, en fait ça court parce que t'as des jeunes, mais malgré tout, y a des moments t'en fais pas grand-chose. Et est-ce que justement l'ajout de ce joueur-là peut permettre sur ces situations d'adapter un jeu beaucoup plus lent, plus demi-terrain? Où Mike Brown pourra dessiner des systèmes beaucoup plus facilement. C'est peut-être aussi le joueur qui, aux côtés de Fox et Sabonis, peut amener une création demi-terrain. Et là-dessus, je pense que avec parcimonie, ça peut être un très bon ajout. Par exemple, sur le Game 7, on a vu donc le Game 7 face aux Warriors. Les Warriors ont vachement ralenti le jeu et ça a posé beaucoup de peine aux Kings. Et peut-être que sur ce genre de situation, avoir un joueur comme Vezenkov peut amener à gérer mieux ce genre de match. Donc potentiellement, ça peut être hyper intéressant dans les ajustements de cette saison à la saison qui arrive. De toute façon, en final, en résumé, cet été, c'est on prend les mêmes et on recommence. Je pense qu'on peut partir tout de suite sur une petite question. Mon cher Vincent, comment est-ce que les Kings peuvent refaire podium à l'Ouest la saison prochaine? Pour moi, ça me paraît un petit peu compliqué qu'ils fassent podium. On est d'accord. Je pense que l'année dernière, en fait, ils ont réussi à rester en sur-régime toute la saison. Ouais. Et en fait, du coup, ils ont réussi à finir podium parce qu'ils ont surfé sur leur début de saison qui était bon. Ils ont surfé sur des joueurs. Ils n'ont pas été blessés l'année dernière quasiment. C'est vrai. Ils ont pas de joueurs qui ont eu des grosses absences et du coup ils ont surfé sur le fait que tous les joueurs étaient là tout le temps. Donc forcément quand t'as un groupe où il n'y a pas de changement, bah, y a une situation stable qui s'installe et du coup c'est plus Et facile. la progression est fulgurante aussi, parce que du coup tu bosses Exactement. tous les jours avec les mêmes mecs. Donc ça c'est vraiment. En termes de stabilité, c'est top. Donc c'est vraiment pas mal. Là vraiment ils vont. Voilà. Le but c'est la continuité, je pense, pour les Kings. C'est d'essayer de retrouver les playoffs encore une fois cette année. Finir troisième, je pense que même eux, ils se voyaient peut-être pas troisième en début de saison. Voilà, ils prennent parce qu'ils ont fini troisième et qu'ils ont fait une superbe saison. Mais cette année, je pense que ça risque d'être plus compliqué. Je pense qu'ils vont chercher à ne pas jouer le play-in. Pour moi, ça va être ça l'objectif de Sacramento. Ça va être d'essayer de pas passer par le play-in et d'aller en play-off directement. ce serait un bel objectif, je suis d'accord. Et maintenant, je pense que la NBA sait aussi que Sacramento est dangereux. Et il y a peut-être aussi l'année dernière cet effet de surprise qui a pu jouer sur certaines, surtout au début de saison où ils ont commencé très fort. Moi, je trouve que s'il y a une chose à améliorer pour les Kings, je parle de défense. L'année dernière, ils ont quand même fini avec le 25e defensive rating. Donc, c'est vraiment... Quand t'es 3e et que t'as la 25e défense, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut que Sacramento step up en termes de défense. L'arrivée de Javale McGee sur les postes intérieurs en backup, ça peut justement faire... Peut amener une protection de cercle, c'est vrai. Après, on sait que Sabonis, ça de la défense, c'est pas son fort. Mais c'est un mec qui fait les efforts. Il fait les efforts, ouais. Donc, malgré tout, ça se trouve, il y aura... Tu vois, par exemple, l'ajout de Chris Duarte peut amener, parce que Fox, il défend bien les lignes de passe, mais sur l'isolation, c'est pas forcément sa qualité première. Là où Chris Duarte peut plus, même si c'est pas l'élite, être un lockdown sur certains postes. Donc, pour le coup, je pense que tu as pu ajouter cette variante-là et qui peut te permettre, comme objectif, on l'a dit, de finir hors play-in. Où est-ce que tu les vois, du coup, dans ton classement, Vincent ? Eh ben moi, je les vois, du coup, hors play-in, parce que je pense qu'ils vont être entre la 5 et la 6, donc je vais dire 6. Pour moi, je les vois juste au-dessus du play-in, donc je les vois 5. Moi, je les vois 6e, donc juste sortie de play-in. Voilà, je pense que c'est leur place aujourd'hui. Ouais. Après, c'est à eux de confirmer leur belle saison. On sait que des fois, ces équipes-là ont tendance, peut-être sur la saison d'après, à tomber dans le dur. Mais je crois vraiment que Sacramento est parti sur une vraie base avec des joueurs qui ont envie de jouer et qui ont envie de prouver aussi. Et du coup, je pense que s'il n'y a pas de blessure et qu'on garde cet effectif et cette mentalité, ça peut finir hors play-in. Moi, je les vois 6e. Ouais. Après, comme tu dis, ces équipes-là, ça peut être compliqué. Moi, je prends l'exemple des Knicks. Les Knicks qui avaient été en play-off. En finissant 4e. Où Trae Young, il tue le Garden cette année-là. L'année d'après, ils ne sont même pas en play-off. Donc, ils ont été en sur-régime une année et après, derrière, c'était plus compliqué. Donc, j'espère, je ne leur souhaite pas, mais il faut faire attention à essayer de garder justement cette continuité et que justement ils arrivent à se requalifier en play-off et faire des belles choses encore. Et ben, c'est exactement l'objectif qu'il faut que les Sacramento Kings atteignent. Petite note du coup d'intérêt pour nos Kings. Et ben moi je vais mettre, alors je vais être pas méchant, mais je vais mettre qu'un 6. Ça reste correct. Parce qu'en fait, c'est la... je pense qu'il n'y aura pas grand changement. Et donc, du coup, l'année dernière, ils ont fait kiffer. Je pense qu'ils peuvent refaire la même chose cette année. Donc, c'est un peu du déjà vu. Donc, je ne suis pas hyper emballé. Enfin, voilà, c'est sympa à regarder jouer. Franchement, c'est cool parce qu'en attaque, ils ont fait des gros cartons cette année. C'est eux qui ont refait le record. Ils ont mis 157 points sur un match, je crois. Ouais. Ou un truc du genre, ou 154, enfin je sais plus. Ouais, à quelque chose près. Mais oui, ils ont le record. Donc voilà, c'est cool à regarder jouer, mais vu que c'est du déjà vu, je ne suis pas plus emballé que ça. C'est pour ça que je mets qu'un 6. Je vois. Moi, je mettrais un 7 quand même, parce que j'avais été totalement séduit par cette équipe-là l'année dernière. Et je veux juste qu'ils confirment. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de changements, comme tu l'as dit. Mais au final, l'intérêt reste le même. Voir Sacramento jouer, ça a été une régalade la saison dernière. Donc, si je joue de la même manière, et bah, je suis tout à... enfin, ça me botte de les regarder jouer. Sachant qu'en plus, ils vont défendre leur titre de la division Pacifique. Avec des gros renforts de ce côté-là, notamment avec les concurrents, les Lakers et tout. Donc non, il y a un vrai enjeu aussi. Donc ça va être chouette à suivre. Donc moi, je mets 7. Okay. Voilà. C'est ainsi que se termine cette preview. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les previews et les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux Instagram et X @WakeUpNBA. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Vive le basket, vive la NBA. Ciao! Salut tout le monde!